franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Florence Ray, une mortelle randonnée. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, le flash qui illumine Florence dans les locaux de la police judiciaire capte pour les annales le visage émacié d'une jeune femme de 19 ans aux cheveux châtains coupés courts, les bras croisés sur un pullover, un foulard à fleurs noué autour du cou. La fine bouche inexpressive et les yeux intensément noirs paraissent surtout en total décalage avec l'horreur des heures précédentes. Deux fusillades, cinq morts, dont son compagnon, Audrey Maupin, et une dizaine de blessés lors de la folle dérive du couple entre Nation et Vincennes. Toute la presse se passionne alors pour le destin de Florence Ray. Un mot qui revient comme un leitmotiv, le destin. Les avocats, les enquêteurs ont souvent comparé la dérive sanglante de Florence à celle de Mickey et Mallory dans le film Tueur né d'Oliver Stone, sorti quelques semaines auparavant. Et dans le film également, le mot destin revient sans cesse dans la bouche des protagonistes. Florence et Audrey voulaient changer le monde, enfermés dans leur huis clos à deux, ils ont fini par passer à l'acte, pour le pire. Pour en parler avec nous après le récit, notre invité aujourd'hui, Emmanuel Pira, avocat et conservateur du musée du barreau de Paris, et auteur également du livre « Les femmes et la justice » paru le 27 octobre dernier aux éditions La Martinière. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Christophe Barrère avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Caroline Debray, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyen, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Il était sur lui, il voulait le buter. Et l'autre, le policier est resté comme ça, il disait à tout le monde, couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Ça passait, ça allait dans quelques secondes, c'est vite fait. Ben, elle n'a donné qu'une raison, Florence Ray. Cette raison, c'est on voulait faire des hold-up pour avoir de l'argent, parce que l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté. Il a fait qu'il dit, tiens, il y a le motard, tiens, prends le fusil et descends-le. Il a pris le fusil, il a explosé la vitre arrière. Et pendant tout le chemin, ils n'arrêtaient pas de tirer. Un couple avait provoqué et semé un véritable carnage. Florence, dans cette affaire, a été une adolescente. Ce soir-là, explique Florence Ray, tout nous a échappé. Elle n'a pas bien su expliquer. Toute la presse se passionne pour le destin de Florence Ray. Oui, destin, un mot qui revient comme un leitmotiv. Les avocats, les enquêteurs ont souvent comparé cette dérive sanglante à celle de Mickey Mallory dans le film Tueur né d'Oliver Stone, sorti quelques semaines auparavant. Et dans le film aussi, le mot destin revient sans cesse. Florence et Audrey voulaient changer le monde, enfermés dans leur huis clos à deux. Ils ont fini par passer aux actes. Comme le dit un inspecteur de la PJ, ils ont fait une fugue en restant sur place. Couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Tout nous a échappé. Et un véritable carnage. Le 30 septembre 1994, quelques jours avant les faits, Florence Ray et Audrey Maupin se rendent au rayon chasse de la Samaritaine pour acheter un fusil à pompe. Elle entre seule dans le magasin et paye avec ses économies. Elle présente un passeport perdu par une étudiante à la fac de Nanterre, là où son compagnon étudie. Lui l'attend à l'extérieur, puis ils achètent deux cagoules noires dans un magasin d'accessoires moto. Le 4 octobre, en début de soirée, le couple quitte son squat de Nanterre et prend le RER, direction Paris. Nous cherchons des armes de poing sur des policiers pour faire ensuite des vols à main armée, afin de se procurer de l'argent. C'est moi qui ai voulu venir à la Préfourrière, parce que j'aime Audrey et je ne voulais pas le laisser partir. Je ne voulais pas qu'il risque sa vie sans moi. À 21h25, deux silhouettes escaladent le grillage de la Préfourrière de Pantin dans le 19e arrondissement de Paris. À l'intérieur, Florence et Audrey, armées de fusils à pompe et cagoulées, braquent les deux policiers de permanence et prennent leurs armes de calibre 38. Mais les flics n'ont pas de menottes, impossible de les attacher. Alors ils les aspergent avec une bombe lacrymogène, puis fuient, paniqués. Dehors, en courant vers le métro, ils avaient prévu deux tickets pour le retour. Florence voit un taxi arrêté au feu rouge. Elle s'y précipite, monte en force et lance au chauffeur « Place de la Nation, vite !» C'était pas prévu de les gazer avec la bombe lacrymo. J'ai eu peur. Pour rentrer, on devait prendre le métro, mais c'est moi qui ai couru au milieu de la rue. J'étais devant et je suis allée vers un taxi. Je voulais partir le plus vite possible. J'ai pas vraiment parlé au passager. Peut-être qu'à un moment, je lui ai pris son chapeau. Le passager, c'est le docteur Georges Monnier qui se retrouve là dans le taxi au moment où il ne fallait pas. Il est menacé par le couple. Mais ce médecin, qui va suivre pendant 20 minutes la folle escapade, se souvient surtout de deux jeunes affolés, perdus. C'est la panique d'entrée. La jeune femme ouvre le feu avec son fusil à pompe. Un policier est tué sur le coup. Dans le même temps, son complice abat le deuxième gardien de la paix. Un troisième policier riposte. Et là, que se passe-t-il? On n'en sait rien, c'est la pagaille. On sait seulement que le chauffeur de taxi reçoit une balle, il est tué sur le coup. Une passante s'effondre, elle est touchée sérieusement à la hanche. Un autre piéton est lui aussi blessé. C'est le premier épisode de cette cavale sanglante. 21h40, place de la Nation. Terrifié, le chauffeur Amadou Diallo précipite son taxi contre une voiture de police. C'est la fusillade. Amadou Diallo, 50 ans, s'écroule sur son volant. Deux policiers sont tués. Ils avaient 30 et 25 ans. Maupin est blessé à la jambe et le docteur Monnier réussit à rejoindre le terre-plein central. Florence, quant à elle, tire, un genou à terre, recharge et tire, un acte de guerre. Il avait la place largement dépassé le taxi. Il a viré vers la gauche, il a foncé sur la bagnole, il a sorti le chauffeur, il a dit « il veut me tuer ». Cet moment, de derrière de la voiture, il a parti un coup sec. Et lui, ça croulait par terre. Ah, c'est le taxi qui mord le premier. Hein. Le premier, voilà. Et les policiers, ils ont vu que c'est un coup de feu. Ils sont tous descendus dans un... C'est passé dans quelques secondes. C'est vite fait. C'est bardé de partout les balles. Et puis, ça a commencé à tirer sur l'autre qui était derrière le lampadaire. Il tirait sur lui, il voulait le buter. Et l'autre, le policier, il restait comme ça, il disait à tout le monde, couchez-vous. Parce que les civils, ils passaient. Sur lui, il a tiré 3-4 gros coups. C'était des détonations terribles. C'est avec le fusil à pompe, non? Ah oui, ah ouais. Ça a été deux fusils à pompe. Et lui et elle, il avait la fusil à pompe, les deux. Audrey tire par la vitre ouverte du taxi en direction des policiers qui ripostent, puis par la lunette arrière. Moi aussi, j'ai tiré pour me protéger, ou plutôt pour protéger mon ami. À un moment, je suis accroupie devant une voiture, je vois Audrey boiter et appeler le docteur. J'ai aussi appelé le docteur et tiré quelques coups de feu vers lui. Pas pour le tuer, ni le toucher, mais pour le presser de venir. Il a refusé, j'ai abandonné. Finalement, les deux amants parviennent à monter dans une R5 bloquée sur ce carrefour devenu champ de tir. Au volant, un commerçant, Jackie Ben Simon. Audrey est surexcité. Je viens de buter deux flics, tu vas nous tirer de là, vite. Porte de Vincennes, un motard les prend en chasse. À l'arrière, Florence Ray arme le fusil, mais il s'enraye. À son tour, Audrey le prend et tire. Selon le chauffeur, Florence hurlait « Tue-le !» Le motard est grièvement blessé. Route de Gravel, l'étau se resserre. Un policier a couché sa moto en travers de la route pour stopper la R5. Florence menace le chauffeur de son fusil. « T'arrête pas, fonce !» La police est en place. D'un coup, il y a un taxi qui est arrivé et qui est rentré dans la voiture de police. Ça a commencé à tirer de tous les côtés. Les occupants du taxi, ils ont tué le chauffeur de taxi. Ils ont abattu le policier devant moi, le voyou, là. Il s'est rapproché du cadavre du policier. Il lui a pris son arme et il commence à se diriger vers ma voiture. Mais tranquillement, vraiment relax. Et j'entendais « couchez-vous ». J'étais avec mon cousin David. Il s'est dirigé vers nous en nous braquant. Il nous a dit... En parlant à mon cousin, toi tu dégages, toi tu conduis. La fille est montée derrière, il m'a dit prends direction périphérique. Je commençais à rouler et tout, il m'a dit appuie sur le champignon. Il lui disait recherche les armes, tiens fais ça. C'est vraiment elle qui s'occupait de tout quoi. Et à Vincennes, il y avait un motard qui nous suivait. Et la fille qui dit tiens il y a le motard, tiens prends le fusil et descends-le. Il a pris le fusil, il a explosé la voiture, la vitre arrière. Et pendant tout le chemin, ils n'arrêtaient pas de tirer. Ils tiraient. Et puis je vois le gendarme qui essaie d'esquiver. Et d'un coup, j'ai vu comme une sorte de barrage de police. Vraiment, le policier me braquait. J'arrivais à fond et d'un coup, j'ai pilé à 10 mètres de lui. Et lui, il tirait. Le chauffeur écrase les freins. La fusillade reprend. Audrey sort de la voiture. Les tirs pleuvent. Maupin, touché, tombe à terre. Florence se rend Il est 21h50. Bilan, 5 morts, une demi-douzaine de blessés en l'espace de 20 minutes. Un acte de guerre. Florence Rey ne se souvient que de la fin lorsque le couple se heurte au barrage des policiers et elle confie au juge les derniers mots d'Audrey. Stop, on se rend. Alors j'ai lâché mon arme par terre. Audrey a posé le fusil sur la banquette. Cela a duré plusieurs secondes, puis un des policiers a tiré. Audrey s'est écroulée, je me suis approchée de lui. Je ne sais pas si je l'ai embrassé. Ils m'ont attrapée. Seule en garde à vue au 36 quai des Orfèvres, Florence Rey reste mutique et butée selon le témoignage de la brigade criminelle qui la compare à la terroriste Nathalie Ménigon d'Action Directe. En réalité, l'étudiante en rupture de banc qui voulait changer la société, foutre en l'air le monde avec Audrey, s'avère incapable d'articuler, prostrée, terrorisée. Il lui faudra 3 mois pour sortir de son silence et raconter au juge Stéphane cette nuit où tout lui a échappé, où tout leur a échappé. C'est que tout le monde l'accable, Florence Rey, témoin, policier, passant, comme si, étant la seule rescapée, elle devait tout assumer. L'affaire provoque de vives réactions dans la classe politique et tombe à pic pour relancer un vieux débat, le débat rance sur la peine de mort. Les Français ont un sentiment d'insécurité croissant. Nous sommes dans une espèce de société de chiens-lits avec des fusils à pompe, des commandos de la mort qui se promènent la nuit et qui mettent en péril la vie des gens. Il faudra bien un jour que on rouvre les débats essentiels, y compris le débat sur la peine capitale, puisque les socialistes ont supprimé la peine capitale pour les criminels, mais ils n'ont pas supprimé, hélas, la peine capitale pour les victimes. Il y a trop de récidivistes aujourd'hui, il y a trop de crimes impunis, il y a trop de laxisme, et il y a le sentiment pour les Français, pour beaucoup de Français, que moi je rencontre tous les jours, d'une insécurité totale. Les enquêteurs sont persuadés que Florence a tiré et tué un de leurs collègues. Un témoin dit l'avoir vu abattre un policier au sol, à bout portant. Heureusement pour elle, les otages témoignent à décharge. Dans le couple, dira le docteur Meunier, on sentait bien que c'était Maupin qui menait les opérations. Elle était pétrifiée dans une ambiance de mort, ajoute l'otage chauffeur Jackie Ben Simon. Elle semblait paniquée, dit-il. Autre chance pour Florence Rey, les experts balistiques établiront qu'elle n'est l'auteur d'aucun tir mortel. Florence concède qu'elle a tiré en direction d'un motard, mais qu'elle n'a touché personne. Et pour elle, c'était évident. J'étais avec Audrey. Je n'avais pas d'autre solution que de le suivre. Je regrette que cela soit passé ainsi parce que cela a fait souffrir beaucoup de gens. Sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Je devais suivre Audrey. J'étais dans des conditions pas très stables. J'avais du mal à m'opposer et à m'affirmer par rapport à Audrey. J'avais besoin de me sentir utile et qu'ils me reconnaissent. Florence Rey n'est pas l'émule de l'héroïne du film d'Oliver Stone, tueur née, décrite par certains, ni l'apprentie anarchiste, lectrice fascinée de l'instinct de mort de Jacques Mesrine, pas du tout. Les psychiatres considèrent cette équipée meurtrière en fait comme un accident dans la vie des deux amants. Le docteur Michel Dubec y voit une escalade mutuelle dans laquelle les deux jeunes ne veulent surtout pas se décevoir l'un et l'autre. Florence Rey était l'objet d'un affolement pour Audrey Maupin, dit l'expert. Il était obligé de correspondre à l'image du héros inébranlable, protecteur. De son côté, Florence Rey cherchait à correspondre à l'idée que son amant se faisait d'elle. Pour sortir de cette fragilité, elle a choisi la fuite en avant par l'originalité absolue. Cette rupture, précise le psychiatre, ne relève pas d'un comportement de délinquant, de psychopathe, mais plutôt d'une complémentarité malheureuse de leur caractère et de leur inconscient. Tueur né, c'est un film que le couple avait vu, je crois, peut-être la veille ou quelques jours avant, et qui était un film qui, là encore, par un couple, avait provoqué et semé un véritable carnage. Commettre un acte fort, suprême, comme preuve d'amour. Florence ne faisait rien d'autre, en suivant par exemple Audrey dans ses courses de montagne qu'il adorait, qui lui faisait peur à Florence, mais qu'elle devait accomplir par amour pour lui. Oui, le suivre partout, jusqu'à semer la mort, se perdre et perdre l'amour de sa vie. C'est cette histoire d'amour, de sang et de larmes que plaide son avocat Maître Henri Leclerc, qui dit « C'est une passion réciproque, mêlée à une dérive vers des comportements asociaux liés aux engagements politiques d'Audrey, antifasciste, antiraciste, non-violent et luttant contre l'injustice, qui, confrontée à des circonstances, les jette dans un enchaînement presque inéluctable. » Les psychiatres auront rarement autant visité un détenu, et une détenue en l'occurrence, que Florence Ray. Près de 20 rendez-vous. L'histoire du couple, c'est celle d'une passion amoureuse totale qui se projette dans un avenir idéalisé, disent-ils. The world's coming to an end, Mal. I see the future. There's no death. It's you and I, we're angels. I love you, Mal. I know you do, baby. I've loved you since the day we met. Anyone has ever had a heart wouldn't turn around and break it. And anyone has ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweetie Jane. Florence Ray rencontre Audrey Maupin la veille de son bac par l'intermédiaire d'une amie qui n'est autre que la sœur d'Audrey. Elle tombe amoureuse tout de suite, le coup de foudre. Elle obtient son bac, ils partent escalader les Pyrénées, l'autre passion d'Audrey avec la politique. Les deux amants partagent le même goût du risque, la vie au bout d'un fil. Pour Florence, un nouvel avenir se dessine. Fini les vacances chez les grands-parents dans le Gers, où on hurlait des tubes avec les copines, ou enfermé dans une chambre des heures durant, on s'extasiait sur « Just a Perfect Day » de Lou Reed. Florence emménage avec Audrey, à Nanterre, dans sa chambre, sur le campus, où il étudie la philo. Puis très vite, il squatte une maison, non loin de la fac. S'aimer, se quereller sur le sens des choses, refaire le monde, la révolution, à deux, toujours à deux. Florence a rompu avec sa famille, a fui cet enfermement dans lequel elle a vécu jusqu'alors. Son père est malade, il a des hallucinations auditives, et sa mère autoritaire impose des principes que Florence ne supporte plus. Il y avait une violence interne très forte dans la famille de Florence Ray, explique la psychologue. Le père, malade mental, entend des voix, il parle de fantômes, de squelettes, de sorcellerie, de glaive de Dieu, il passe sa vie sans bouger sur le canapé, le frère est déprimé, il a fait plusieurs tentatives de suicide, la mère, institutrice, banalise le tout, lutte avec son mari pour repousser les voix, elle impose le tabou sur le sujet et une chape de plomb sur la famille. Le rôle de Florence dans cet univers, c'était celui de la jeune fille gay, explique la psychiatre. Alors, lorsque sa relation amoureuse avec Audrey a commencé, pour elle, ça a été une ouverture à la vie. C'est le père de Maupin qui confirme d'ailleurs, Audrey, c'était le mouvement. Avec lui, ce qu'elle a connu était d'une intensité folle. Un psychiatre explique ensuite qu'elle a entrepris une relation quasi fusionnelle avec son amant, sans se rendre compte que cette magnifique ouverture était en fait un nouvel enfermement. Leur isolement à deux, très passionnel, les a déconnectés de la réalité. Coupure familiale, abandon des études, comme en escalade, ils étaient encordés, c'est lui qui l'assurait, jusqu'au jour où il n'a rien su contrôler, où il l'a entraîné dans sa chute. Elle vit aujourd'hui son troisième enfermement. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Et notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Couder, écrivain, auteur du livre intitulé « Bac plus 2 plus crime, l'affaire Florence Ray » aux éditions Raymond Castel. Nous le retrouverons dans quelques minutes. Alors, à partir de quand et pourquoi les choses se sont-elles enrayées? Les deux amoureux sont dans un squat à Nanterre. Ils vivent la zone. Pas d'eau courante, pas d'argent pour repeindre ou aménager un peu, ne serait-ce qu'un peu. Mais Audrey ne veut plus vivre en clochard. Il donne des cours de varap, certes, mais ça ne suffit pas. Et plus question de partir en montagne, car l'argent manque. Depuis 1990, la révolte gronde dans différentes banlieues. Elle est donc spectatrice et non pas actrice de toute cette violence. Son centre Leclerc, à deux pas de chez elle, a été également brûlé. Elle a cité ça également, évidemment, en spectatrice, mais elle ne sort pas indemne de ce climat. Ce contexte lui semble insupportable. Elle ne trouve pas de porte de sortie. Il y a des murs tout autour d'elle. Il y a un mur familial. Il y a cette histoire d'amour qui représente un échappatoire possible. Et donc, elle grimpe. Elle arrive à l'irréparable, peu à peu, et puis tout d'un coup. C'est-à-dire que, évidemment, rien n'est prémédité. L'idée même, quelques jours auparavant, pour Florence Ray, d'aller braquer des policiers, quelque chose d'impensable. Elle s'est un petit peu marginalisée, notamment, c'est une sorte d'acte fondateur, là encore, en se coupant les cheveux, en se durcissant, en écrivant des lettres de plus en plus idéologiques à ses amis. Mais combien d'adolescents, encore une fois, sont dans ce type de révolte? Il reste le mystère du passage à l'acte. Mais en même temps, ce qui me semble très intéressant, c'est que c'est un personnage ombre et lumière. Peu avant les faits, Florence écrit dans son journal ces lignes désespérées. J'existe. Je le sens. C'est loin d'être une consolation. C'est parfois plus triste, puisque je n'ai pas d'histoire. Je me tais, mais je ne sauve pas le monde. Je sens déjà l'influence de la morale, de la police et de la pensée. Certains sont prêts au combat, mais se feront vite briser. D'autres sont déjà brisés, et plus tard, ne sauront plus jamais nommer leur mal. Elle décrit ce qu'elle voit en cette aube grise et triste, avec ces mots de lycéenne exaltée. La prison de Nanterre, toujours illuminée, les cheminées des usines fabriquant les nuages, et les magasins qui clignotent. La réalité du monde. Je ferme la fenêtre et retourne dans la chaleur de ma cellule, et je pense à un refrain de Franck. Que devient le rêve quand le rêve est fini? La galère devient invivable. Audrey aurait songé au moyen d'en sortir avec panache, faire de l'argent, braquant, se réapproprier, comme disaient les maoïstes, pour justifier le hold-up d'un magasin ou d'un resto. Eux qui prenaient le squat et les expropriations prolétariennes, voilà qu'ils envisagent le hold-up. Ce basculement brutal et énigmatique génère les hypothèses les plus extrêmes. On dit que le couple fréquente les totos des groupes autonomes, leurs potes du scalp, dont l'acronyme veut dire section carrément anti-Le Pen. Et c'est l'un des mystères du dossier que ces relations avec l'extrême gauche. Lors de l'enquête, la police cherche dans les mouvements libertaires et parle déjà d'Abdelhakim Dekar, surnommé le troisième homme, celui qui aurait accompagné les tueurs de Nanterre et aurait fait le guet lors du braquage de la Préfourrière. Abdelhakim Dekar est soupçonné d'infiltrer les mouvements d'extrême-gauche pour le compte des islamistes ou des services secrets algériens. Délire et lucubration de mythomanes, Florence Ray confirmera plus tard que Dekar était bien le troisième homme. En 2013, ce dernier revient sur le devant de la scène criminelle. C'est lui qui pénètre dans les locaux de Libération et de BFM et qui blesse grièvement un photographe. À 6 mois de son procès, Florence Ray apparaît à la fois hantée par la mort, passée tout près d'elle, et par les années de prison, lui confisquant sa jeunesse. Je suis désolée pour les familles des victimes, et je suis désolée pour moi. Cela me fait beaucoup souffrir, je me suis sentie perdue après ça. Je ne pense pas qu'Audrey ait eu conscience de ce qui s'est passé, car c'est allé très vite. Moi non plus, je n'ai pas compris. Audrey a peut-être eu peur d'aller en prison. Il n'a pas regardé les choses en face, ni pour sa propre vie, ni pour les gens qui étaient là et qui avaient pourtant autant le droit de vivre que lui. Il a été égoïste. Je crois que par rapport à moi, il a fait son chemin tout seul, dans le sens où je me suis retrouvée là-dedans. Audrey ne s'est pas demandé si j'avais envie de mourir à 19 ans. Les parents d'Audrey viennent la voir chaque semaine, Florence, à la maison d'arrêt, et ils témoignent. Vous savez, si Florence ne suivait pas ce que souhaitait Audrey, il devait sûrement lui reprocher et lui faire des remontrances. Si Audrey avait décidé d'aller le 4 octobre à la Préfourrière, je pense vraiment que Florence l'a suivi par amour, pour le protéger. Et la mère ajoute, Florence était entraînée dans cette affaire. Audrey n'a pas dû avoir peur, vous savez, des risques. Il en a toujours pris, en escalade, et il en a fait prendre à Florence. Au cours de cette soirée, il n'a pas mesuré non plus les risques qu'il lui faisait prendre à elle. Le 30 septembre 1998, à l'ouverture de son procès, Florence Ray a changé de visage. La voilà douce, brune, apeurée, yeux baissés, pudique. La garçonne agressive d'hier a laissé place à une jolie jeune fille, la jeune femme d'un homme qui a brûlé sa vie. Sous les flashs, après quelques minutes, Florence craque. Elle pleure et se cache derrière le bois du box où elle se tient. Françoise Berux, avocate des familles de victimes, ne croit pas du tout en ses larmes. Eu égard aux réquisitions de Madame l'avocat général, les jurés ont dû prendre en considération le jeune âge de Florence Ray, le fait que Maupin ne soit pas dans le box, et puis aussi le fait qu'un expert psychiatre, le docteur Cousin, me semble-t-il, pour ne pas le nommer, nous a affirmé de façon péremptoire à la barre qu'il n'y aurait pas de récidive possible. Je crois de toute façon que les familles des victimes, quelle que soit la peine, et vivent avec leur chagrin, d'autant que cette audience qui s'est déroulée pendant plusieurs jours n'a pas levé les interrogations que les parties civiles se posaient. Et je crois que c'est ce qui est le plus difficile pour elles à vivre, c'est qu'elles attendaient beaucoup de ce procès. Ça fait 4 ans qu'elles attendent ce procès, qu'elles espéraient des explications sur les motifs, sur les raisons de ces actes fous. Et en fait, elles n'en ont pas obtenu. Et je crois que c'est ce qui est le plus marqué les 3 familles de ces policiers décédés. Maître Henri Leclerc, l'avocat de Florence Ray, reprend toute l'histoire et plaide avec conviction. Ce n'est pas un monstre, c'est une petite fille, Florence. Ne la jugez pas pour ramener un ordre nécessaire, jugez-la pour la ramener parmi nous. Mais pour la partie civile et les familles des victimes, la souffrance est toujours là et l'incompréhension face à ces crimes absurdes et totales, 4 ans après les faits. Indissociable, c'est le maître mot des parties civiles qui refusent de voir toute la faute de cette équipée sauvage retomber sur la tombe d'Audrey Maupin. L'un des avocats interpelle Florence Ray, muette, livide dans son box. « Nous ne pouvons admettre que nos morts soient le prix à payer d'une erreur de jeunesse. La réalité, c'est que vous formiez, avec Maupin, un duo infernal de tourtereaux qui s'étaient arrogé le droit de tuer aveuglément. » Les avocats cherchent à démontrer que si Maupin avait un ascendant considérable sur Florence Ray, la réciproque était aussi vraie. « Vous êtes un peu pousse au crime, mademoiselle », lance Maître Chevrier, l'avocat de Diallo, le chauffeur de taxi tué place de la Nation. « Vous avez des difficultés pour parler, mais dans l'action, vous êtes diablement présente et vous ne tentez rien pour l'arrêter. Votre influence, à vous, est vénéneuse. » Une expression passe alors sur le visage de Florence Ray. Dans son box, elle a l'air de se demander si c'est bien d'elle qu'on parle. On lui rappelle alors que c'est elle qui a acheté le deuxième fusil, elle qui a acheté les 2 cagoules, elle qui a escaladé en tête le grillage de la préfourrière. Indissociable, vous étiez 2, conclut avec emphase Maître Berux, 2 unis dans l'amour et dans le sang de vos victimes. Florence est plus seule que jamais, emmurée vivante dans son crime face à la colère des familles victimes et à l'effroi de l'opinion publique. On parle encore d'action d'extrême gauche, d'amour fusionnel et fatal, de Bonnie and Clyde, du film américain Tourné sorti cette année-là et dont les critiques soulignent le paroxysme de violence gratuite. On parle aussi, comme souvent face à de tels crimes, de peine de mort. On parle trop. Florence, elle, se tait. La langue sèche, pétrifiée par cette nuit que les experts psychiatriques présentent lors de ce procès comme un accident dans sa vie. La cour et les jurés ne sont pas montés aux peines effroyables qui avaient été demandées par l'avocat général. Ils condamnent à une peine lourde, très lourde. Je pense que cette affaire tragique et dramatique a été commise dans des circonstances tout à fait insupportable, mais je reste convaincu que Florence, dans cette affaire, a été une adolescente qui a été paniquée, qui n'a pas bien compris ce qui arrivait, qui à l'audience n'a pas bien su expliquer, parce qu'elle est aujourd'hui incapable, se trouvant directement confrontée à nouveau à ces faits, de les assumer directement comme cela. Et je pense que elle a déjà énormément souffert, elle souffre énormément, elle va encore beaucoup souffrir. Et les prisons françaises restent un lieu très dur. Le 30 septembre 1998, Florence Ray est donc condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle est déclarée complice dans les 3 meurtres de la place de la Nation, co-auteur du meurtre du motard au bois de Vincennes. « Est-ce que vous allez comprendre ce visage ?» s'interroge Maître Henri Leclerc à l'audience. Les journaux titrent « Florence Ray au bout de sa peine ». Condamnée pour l'équipée folle qui avait fait 5 morts en 1994, la jeune femme est discrètement libérée début mai 2009. Elle a 34 ans. L'ex-élève modèle est devenue une détenue modèle entre-temps. Après quelques mois, Placée à l'isolement, elle avait caché dans sa chaussure un plan de la prison de Fleury-Mérogis, comme un premier pas vers une évasion. Pourtant, elle n'a jamais protesté en prison. Elle n'a cessé d'étudier la philo, l'histoire, a lu des centaines de livres. Gabriel Garcia Marquez, Kafka, Rimbaud. Elle a aussi travaillé au service général du centre de détention des femmes, à Rennes. Elle a distribué les repas des codétenus et a toujours été solidaire de ces femmes qui sont passées de l'autre côté, comme elle. Florence a cessé de voir la famille et les amis d'Audrey Maupin en 2001. Elle a tourné la page. Elle a enfin enterré Audrey. Elle est repartie à zéro, libre, avec comme seul juge désormais sa conscience et sa rédemption. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Florence Ray avec notre invité Emmanuel Pierra. Bonjour Emmanuel Pierra. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes avocat au barreau de Paris et conservateur du musée des barreaux de Paris et auteur du livre Les femmes et la justice paru le 27 octobre dernier aux éditions de La Martinière. Un livre dans lequel vous mélangez, je le dis à dessein, vous mélangez les avocates, les magistrates et les accusés dès lors qu'elles sont les actrices d'une histoire judiciaire. Mais est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan? Même plan des avocats, des magistrats, des accusés, au seul fait et au seul motif, qu'elles sont des femmes. Oui, il y a un statut particulier, évidemment, parce que les femmes sont passées en quelques décennies, on va dire, soudainement du box des accusés, auxquelles elles étaient condamnées, au port de la robe judiciaire, entendons-nous bien, c'est-à-dire celui d'avocate, celui de magistrate. Et c'est une histoire très récente que ce basculement, paradoxalement. Donc ce sont des siècles de clichés sur la sorcière, l'infanticide, la parricide, la mauvaise mère, la mauvaise fille, pour d'un seul coup, enfin accepter que les femmes, prêtent serment comme avocat, deviennent avocates au début du XXe siècle. C'était un combat très compliqué. Et puis ensuite, qu'elles ne deviennent magistrates en 1946, au même moment qu'on adopte donc la possibilité pour elle de voter comme tout citoyen. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans la pratique judiciaire française ? Ça a changé forcément quelque chose, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, les avocats sont des avocates et les magistrats sont des magistrates. C'est-à-dire, majoritairement, la profession que j'exerce et que j'aime tant est exercée majoritairement par des femmes. Quasiment 60%, je pense, des avocats sont des avocates aujourd'hui. Et chez les juges, on a des proportions aussi très importantes. Donc, évidemment, ça a eu une emprise, en quelque sorte, sur un milieu qui a été conçu par les hommes et pour les hommes, pour juger éventuellement les femmes. Faut pas oublier que quand on se retrouvait, les premières femmes avocates se sont retrouvées dans les années 20 à défendre aux assises des criminels devant des jurys populaires qui n'étaient constitués que d'hommes, puisqu'on tire les jurés populaires au sort sur les listes électorales. Ne pouvaient donc être jurés que des citoyens qui avaient le droit de vote. Mécaniquement, oui. Et on avait donc mécaniquement, comme ça là, des femmes avocates qui défendaient des femmes accusées devant uniquement un jury constitué de magistrats hommes professionnels et de jurés citoyens hommes. Ça faisait 12 hommes, en quelque sorte, non pas en colère, mais parfois machistes, face à deux femmes. Alors, parmi les justiciables auxquels vous vous intéressez, évidemment, Florence Ray, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir sur cette histoire et à vous y impliquer personnellement, puisque vous êtes devenu l'avocat de Florence Ray, à part pour la réinsertion, en fait, pour préparer la sortie de prison et pour toute cette période d'après-prison? Pourquoi Florence Ray? Qu'est-ce que son histoire nous dit de particulier dans la chronique judiciaire française? Alors j'ai choisi de raconter l'histoire de quelques affaires, d'une poignée, une dizaine de femmes en tout cas accusées. Il y a presque autant de femmes avocates et de femmes magistrates dans mon livre, mais il y a une dizaine d'accusées qui sont souvent des archétypes. C'est-à-dire qui représentent ou incarnent, ce que je disais à l'instant sur la femme sorcière ou la femme infanticide. Il y a quelque chose de la figure que l'on n'attend pas chez une femme. Il y a une candeur voulue par la société dans des stéréotypes, dans des clichés. La femme serait innocente. Elle est forcément, si elle a un rapport sexuel, elle est forcément une salope. Pardon, elle est... Il y a tout un tas de choses qui fonctionnent et qui rendent une dramaturgie particulière lorsque les femmes se retrouvent à la barre. Violette Nozière, empoisonneuse de ses parents, etc. Il y a quelque chose qui nous fait d'un seul coup réfléchir ou frémir encore plus que si c'était des hommes. Chez Florence Ray, évidemment, il y a quelque chose d'encore plus fascinant. On a tous en mémoire cette image. Il y a très peu d'images, finalement, qu'on a comme ça dans une mémoire collective aussi forte, le visage de Florence Ray le lendemain de son arrestation à la une des journaux. Un regard au défi implacable, comme le qualifiait la presse à l'époque. Et en même temps, il n'y a pas que le regard au défi implacable, il y a d'abord cette Florence Ray est une jolie fille, voilà, elle l'était vraiment, je le pense, en 1994 quand elle est arrêtée, et elle a l'air d'un oiseau en quelque sorte tombé du nid, elle a cette peau un peu de nacre, un peu blanche comme ça, il y a certes le regard noir, mais il y a quelque chose de très fragile, et chacun a vu là d'un seul coup une très jeune fille, dont l'aventure ou l'histoire a basculé en 25 minutes, en 1994. Voilà comment on passe d'un moment d'adolescence, ou de rébellion en tout cas de jeunes gens, à une tuerie et une boucherie abominable. Justement, c'est le décalage entre l'image de cette jeune fille et les faits commis, qui sont terribles, qui créent cette spécificité, cet attrait, on va dire. Parce que oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup, aussi. On n'a pas beaucoup comme ça d'images de criminels, dans représentant des visages un peu d'anges, de personnages qui auraient... Alors, un ange accusé d'avoir tué une personne, ça arrive. Un ange accusé comme ça d'avoir décimé en 25 minutes plusieurs personnes. Alors après, il y avait, on ne savait pas qui, entre elle et puis Maupin, son compagnon, avait tiré, etc. Il y a eu tout un jeu de la part des avocats, puisque lui, ce compagnon, est mort pendant la fusillade, en tout cas à la suite dans la foulée des faits. Donc ensuite, tout le jeu des avocats de Florence Ray, notamment d'Henri Leclerc, a été de faire porter la charge sur Audrey Maupin. Mais les choses n'étaient pas si simples. Mais en tout cas, donc, il y a très peu de visages d'anges comme ça, avec un tel passif, si je puis me permettre, criminel, d'un seul coup présenté dans une cour d'assises. Alors d'accord pour la spécificité de Florence Ray, mais celle du couple, après tout, finalement, des couples meurtriers, on en a connu dans l'histoire, et ailleurs qu'en France d'ailleurs, Bonnie and Clyde, Il y a Oliver Stone et Oliver Stone avec Tourné. Pourquoi ce couple-là, Maupin-Ray, vous a aussi suscité votre intérêt? Il est intéressant aussi parce que il y a cette idée à un moment qu'il y avait une organisation terroriste, c'est-à-dire qu'ils étaient lancés dans la lutte de l'ultra-gauche comme on en a connu. On voit d'autres femmes, on aurait pu prendre d'autres femmes criminelles entre guillemets ou qui ont été jugées et considérées comme terroristes, Nathalie Ménigon, etc. Il y a eu donc chez les actions directes notamment des personnages très engagés politiquement et qui sont allés jusqu'à tuer pour ces causes entre guillemets, si tant est qu'on puisse les appeler comme ça. Chez Florence Rey, chez Audrey Maupas, il y a eu cette idée parce qu'on sait qu'ils ont créé une organisation, on va dire, qui se voulait d'ultra-gauche, dont en réalité, ils étaient les deux seuls membres. Donc, face à ça, donc on se retrouve finalement à quelque chose qui est le sentiment qui nous a tous habité quand on était jeunes, adolescents, de la rébellion, de la contestation. Sauf que là, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que ça bascule non pas vers la contestation politique, mais vers le crime, vers quelque chose qui est l'ordre du fait divers spectaculaire, voilà, vers quelque chose qui nous laisse un peu désarmés sur l'explication. Parce qu'une fois qu'on a raconté ce trajet, celui de Florence Rey, il est, on va dire, un peu triste, hein, sa vie de jeune fille n'est pas très amusante, l'environnement parental, le père qui boit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout amusantes. En revanche, chez Audrey Maupin, quand elle le rencontre, il y a des parents, on va dire, 68 ans, beaucoup plus libertaires, ouverts, semblant correspondre à ce mode de vie. Et malgré tout, les deux vont faire sécession vis-à-vis de leur environnement familial, s'isoler, se réfugier à Nanterre dans ce squat. L'hiver va arriver. Et là, c'est quelque chose de poétique parce qu'ils rêvent, en gros, d'amour et puis d'eau fraîche pendant l'été en squattant. Et puis arrive le mois d'octobre ou le mois de novembre, il commence à faire froid et là, ça n'est pas possible de tenir sans autre chose, sans uniquement d'amour et d'eau fraîche. Il manque la chaleur, il manque le chauffage, il manque le confort, il manque 100 000 choses et c'est là que leur vient l'idée malheureuse d'aller en quelque sorte menotter les deux policiers pour s'emparer d'une arme et puis que tout bascule. Et on connaît la suite. Alors, comment vous expliquez-vous ce mutisme de Florence Rey quand elle est arrêtée? C'est quoi? C'est une défense? C'est l'incompréhension de la situation dans laquelle elle est et dans laquelle elle s'est mise? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est de l'incompréhension, fortement. On le voit ensuite, il y a la défense, évidemment, quand elle est arrêtée. Puis ensuite, il y a la période de jugement, c'est-à-dire quand elle va passer devant la cour d'assises et qu'elle sera toute seule dans le box, réduite à un tout petit moineau. Écorché, on le voit, il y a des phrases formidables de journalistes. Patricia Touranchot, notamment journaliste à Libération, qui dit volontairement coupé de son propre procès, le rebord du box érigé en frontière, parce que finalement ça continue pendant le procès. Oui, il y a beaucoup de descriptions, il y a Patricia Touranchot, il y a eu plusieurs journalistes, et notamment des femmes, qui ont très très bien croqué ce personnage de Florence Rey pendant la cour d'assises, vraiment dépassé par la largeur du box, par la cour d'assises, par ce qui se passait. On a vraiment affaire à quelqu'un de très jeune et on va dire en quelque sorte d'immature à ce moment-là, ce qui rend encore plus saisissant ou abyssal les faits qui lui sont reprochés et qui défilent jour après jour devant la cour d'assises déployée. Voilà. Donc il y a tout ça qui va participer selon moi de la mythologie en quelque sorte particulière de ce personnage que à titre personnel je trouve toujours très attachant par ailleurs. Alors on va s'intéresser maintenant à la période prison et surtout à l'après-prison concernant Florence serait notamment en écoutant cette archive, ce témoignage de la sœur d'Audrey Maupin qui rend visite à Florence Rey en prison. On l'écoute. En fait, j'ai jamais parlé de l'affaire avec Florence depuis que je vais la voir au parloir. On n'a jamais parlé d'Audrey, ou rapidement en tout cas. Mais c'est pas une censure volontaire, c'est parce que ça vient pas dans nos conversations, quoi. Sinon, non, il n'y a pas de sujet qu'on évite, non. Au début, j'avais très peur d'aller la voir en prison. J'avais l'impression que j'allais rencontrer une personne différente de celle que je connaissais. Et j'ai attendu avant de demander le permis de visite. J'ai attendu 2 ans, en fait. Et pourtant, j'avais envie d'aller la voir pour la soutenir, et puis parce que je pouvais pas la laisser, et puis parce que c'est mon amie. Mais ça me faisait peur en même temps. Et au début, c'était difficile et j'avais l'impression de la frustrer quand je lui parlais des choses de l'extérieur. J'avais l'impression de lui faire du mal, parce que justement, elle n'y avait pas accès. Mais en fait, je crois que ça lui fait du bien quand même. Et elle a besoin de savoir. Et des fois, c'est elle qui questionne justement sur notre vie, quoi. Alors, toi, vas-y, raconte, qu'est-ce que t'as fait depuis la dernière fois? Et elle en a besoin parce que ça lui permet d'avoir toujours des images de l'extérieur, quoi. Voilà, Florence Ray en prison, car elle a été condamnée à 20 ans de réclusion. Finalement, elle est sortie en 2009. On va revenir sur cette période. Tout de même, le procès, s'il fallait retenir un ou deux moments particuliers de ce procès qui vous ont, des moments qui vous auraient frappé, ce seraient lesquels? Non, moi je pense qu'il y a cette difficulté qu'ont eu les avocats de demander aux juges et aux jurés de ne pas juger Florence Ray telle qu'elle avait été dans le box. Parce que dans le box, elle ne parle pas, parce qu'elle est mutique, parce qu'elle est certes un moineau, en quelque sorte, dépassé, et en même temps, elle ne répond pas à des actes extrêmement graves. Il y a eu des policiers morts, il y a eu des citoyens, on va dire, lambda morts, il y a eu une boucherie, elle est la seule, en quelque sorte, à répondre. Et il y a cette difficulté de débat qui se passe sans elle. Et de la nécessité pour ses avocats, à un moment, de dire « j'ai très peur ». Il y a une de ses avocats, Olivia Klugman, qui dira « j'ai très peur que vous n'ayez pas compris ». Et vous devez mettre de côté cette image que vous avez de ma cliente juste à côté. Sur les faits, mais pas sur son comportement. Voilà, pas sur ce qu'elle est là, et pas sur le fait qu'elle ne vous répond pas, pas sur le fait qu'elle ne pleure pas, pas sur le fait qu'elle ne prend pas la parole pour demander pardon toutes les minutes, etc. Et ça, c'est très difficile, et c'est quelque chose de très révélateur aussi de ce qu'on attend du comportement d'une femme dans une cour d'assises ou de n'importe quel accusé. On lui demande d'un seul coup, en quelque sorte, de se mettre du côté des victimes, de placer de l'autre côté de celui d'accusé. C'est très frappant. Notre société, elle demande qu'on demande pardon. Elle demande qu'on pleure en même temps que les victimes, alors que je ne suis pas persuadé que ce soit si nécessaire que ça. Voilà. Il y a comme ça dans mon bureau, j'ai un très joli dessin qui est fait par un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a présenté Godzilla, le monstre des films de science-fiction. Il est dans un box comme ça d'une cour d'assises et puis il dit « je demande pardon à toutes les victimes ». Voilà, c'est un peu ça, c'est ridicule puisqu'on la juge en quelque sorte sur ce qu'elle est à ce moment-là et elle reste encore une toute petite jeune femme. Alors après, il y aura... Au-delà du procès, effectivement, son attitude, j'entends le témoignage de la sœur d'André Maupin, il y a aussi le fait que Florence Ray se coupera quand même de Chantal Maupin, hein, la mère d'André. Elle, à partir de 2001, elle lui dira de ne plus venir la voir en prison. Elle voudra en quelque sorte tourner cette page. Et c'est compliqué hein, de la tourner, en sachant que, comme on vient de l'entendre, Florence Ray a très peu de contact avec l'extérieur. Il y a très peu de gens qui viennent la voir à cette époque-là. Elle a très peu... Il y a une jeune fille de cet âge-là a très très peu de... qui s'est coupée du monde, a très peu de visiteurs spontanés. Donc à la fois, elle a eu besoin de savoir ce qui se passait à l'extérieur, qu'on lui raconte la vie, en même temps qu'on ne lui raconte pas la vie qu'elle avait choisi d'oublier. Est-ce qu'elle s'est reconstruite en prison? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, moi je pense qu'elle s'est reconstruite. Je ne dis pas que la prison est bénéfique, hein, mais entendons-nous bien. Mais elle s'est reconstruite. Elle a eu la chance, on va dire, en sortant véritablement d'avoir de faire des choses, de s'intéresser, de travailler dans le cinéma, de se réinsérer de façon, on va dire, plus intéressante que ce qu'on promet malheureusement à la plupart des condamnés en France. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une jeune femme, c'est toujours une jeune femme qui va bien, je le crois, et c'est heureux. Elle travaille, elle a... Elle travaille, je ne vous dirai pas où, comment, oui, et ainsi de suite, évidemment. Elle travaille, elle va bien. Moi, je la trouve assez épanouie. La difficulté, évidemment, c'est que son affaire a tellement marqué, encore une fois, cette image, qu'il y a des projets de films qui tournent autour et je dois essayer de faire un peu le gardien pour qu'on ne lui rappelle pas en permanence qu'elle est la Florence Ray des tueurs de la nation. Je dois aussi veiller voilà, à un certain nombre de choses. Il y a eu cette équipée sanglante d'un ancien acolyte, en quelque sorte, qui Abdelhakim, qui s'est pointé, pardon, à BFM. Dans les locaux de BFM, au moment où nous subissions les premières salves d'attentats il y a deux ans contre les médias, contre Charlie Hebdo. Et dans les locaux de Libération. Et dans les locaux de Libération, et qui est arrivé avec une arme. C'était un garçon plus âgé qui faisait partie, en quelque sorte, des amis d'André Maupin et qui avait ses projets, à la limite, toujours entre le crime et puis le terrorisme. Et il a fallu, alors qu'il y a eu cette équipée sanglante qui fait que bon, ça s'est terminé ça s'est terminé en très très peu de temps, en quelques heures, mais ça a failli être extrêmement grave. Il a fallu faire savoir aussi que Florence Ray n'était plus en contact avec ce milieu, qu'elle n'était plus dans ces idées-là, qu'elle ne cautionnait pas, qu'elle n'était plus en quelque sorte liée à ce monde qu'il avait véritablement dépassé. Qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui? Un droit à l'oubli? Oui, elle demande un droit à l'oubli. Moi, je pense qu'il faut être pensé à chaque fois à ce droit à l'oubli très fortement, qui n'est pas uniquement une coquetterie aujourd'hui pour Internet, qui est quelque chose qui s'applique aux gens qui ont payé leur dette, comme on dit, vis-à-vis de la société. Ouais. Quelqu'un qui a fait 15 ans de prison pour avoir été condamné à 20 ans, qui a passé, en gros, toute sa jeunesse derrière les barreaux, mérite qu'on lui fiche en quelque sorte la paix et qu'on ne lui rappelle pas en permanence qu'elle a été cette tueuse de la nation, en tout cas pas sous la forme qui consiste à la mettre face à cette espèce de miroir. Quel rapport entretenez-vous avec elle, bon, d'avocat, j'ai bien compris, d'éducateur aussi, peut-être, quelque part ? Des rapports plutôt amicaux, je dirais. Plutôt amicaux et je suis toujours très, presque amusé et embarrassé quand je déjeune avec elle, par exemple. Je vois que les gens me regardent et regardent son visage en se disant « ça me dit quelque chose ». Et je vois les gens autour de moi dans un restaurant, j'en sais rien, le serveur, le maître d'hôtel, qui ensuite vient me voir, éventuellement, il me passe à moi en disant « elle est connue, non, c'est qui ?». Évidemment, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui est assez extraordinaire et toujours fascinant. On est toujours marqué par cette image de libération et de quotidien et d'hebdomadaire qui l'ont mis en une ce matin, en quelque sorte, en 1994. Voilà. Donc, je ne me sens pas dans un rôle d'éducateur, je me sens dans un rôle un peu de protecteur. Voilà, ouais. Il faut bien le dire. Et je pense que c'est toujours une très jeune fille fragile et qu'il faut mettre en quelque sorte à l'abri du pire. Votre rôle, c'est de construire une palissade entre elle et les souvenirs de la société. Oui, de construire une palissade. En même temps, je me suis autorisé, avec son accord, à écrire sur elle. C'est-à-dire que, et elle l'accepte, elle considère que son histoire appartient à sa vie. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé. Il s'agit simplement de ne pas se voir promener en permanence avec une étiquette autour du cou et de voir où son identité révélée, son adresse révélée, etc., ou des gens qui lui tournent autour. Donc je l'ai fait, je lui ai demandé, elle m'a fourni des documents, des photos, des choses qu'elle considérait comme publiables, voilà, sur ce qu'elle est aujourd'hui. À votre avis, si les proches des victimes de la nation vous entendent, de la place de la nation vous entendent, que pensent-ils ? Oh, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils ont le droit parfaitement de se considérer comme des victimes. Ils l'ont été. Mon rôle, là, n'est pas celui d'être l'avocat de ces victimes. Je pense qu'il y a une chose très compliquée à faire dans notre société aujourd'hui, qui consiste à accepter que des gens ont droit à une défense, quoi qu'ils aient fait. Voilà. Et c'est donc très difficile. Il ne faut pas demander aux avocats de s'auto-censurer au motif que cela pourrait parfois heurter, et je comprends que ça puisse heurter, les sentiments des victimes, de ceux qui ont été meurtris. Beaucoup plus, on va dire, que Florence Rey, dans leur chair, j'en suis d'accord. Je le conçois très bien. Mais encore une fois, c'est le procès qu'on fait aujourd'hui au monde de la justice ou aux avocats de ne pas être en compassion avec les victimes est un procès qu'on ne devrait pas leur faire. Ou alors c'est autre chose qu'un état de droit dans lequel nous vivons. Dernière question, Emmanuel Pierre, le fait divers, puisque vous y intéressez. Alors on confond souvent fait divers et affaire police-justice, enfin peu importe. Est-ce qu'il fait diversion, comme disait Pierre Bourdieu, ou est-ce qu'il nous dit des choses de la société ou les deux ? Il nous dit des choses de la société, évidemment. Moi, les affaires que j'ai choisies, les affaires qui nous fascinent, en général, ne sont pas que des affaires de meurtre simples. Il ne s'agit pas d'un couteau, d'un sang et d'un cadavre étalé. Elles sont toujours révélatrices souvent, les grandes affaires, celles qui nous fascinent le plus, elles sont révélatrices par ce qu'il s'est passé, par la façon dont le procès va se dérouler, d'avancer de la société ou en contraire de conservatisme et de barbarisme. Si j'évoquais tout à l'heure Violette Nozière, c'est pas uniquement la parricide, c'est pas uniquement celle que les surréalistes d'un seul coup ont embrassée et portée au nu, c'est aussi la révélation pour la première fois dans une cour d'assises de ce que c'est l'inceste commis par le père sur une jeune femme et le silence de la mère. C'est la première fois que dans la France des années 30, on entend parler de ce phénomène qui n'était pas du tout si anodin et si isolé que ça. Donc, toutes nos grandes affaires criminelles, elles sont en quelque sorte des miroirs de nos travers, de nos démons et de ce que nous devrions éventuellement faire ou ce à quoi nous devrions réfléchir. Merci beaucoup, Emmanuel Pira. Merci de votre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Les femmes et la justice, les avocates, les magistrates et les accusés passent à la barre. C'est le sous-titre, c'est souvent important les sous-titres. Édition La Martinière, merci, au revoir. C'était C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Florence Ray, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'opposition du général de Gaulle à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Et puisque j'ai quelques secondes, j'en profite pour vous donner le programme d'après-demain, donc vendredi. Ce sera la fiction. Elle sera consacrée au couple mythique Montand-Signoret. Pas sur le côté artistique, mais sur leur engagement, notamment leur engagement communiste et puis les regrets qu'ils ont formulés ensuite de retour du RSS. Et notre invité, ce sera le journaliste Yvan Levaille qui avait été a été un ami proche du couple Montand-Signoret. Donc avec le témoignage de Montand-Signoret public et Montand-Signoret dans la vie privée. Voilà. Vincent Josse, bientôt, dans quelques secondes. Je vous sens très inspiré. Ah bon? Par Montand-Signoret et Yvan Levaille. Bien sûr, il y a de quoi, vous savez. Notre père à tous. Il y a de quoi, vous savez, une belle histoire. Écoutez, mes invités sont bien aussi. Ce sont deux sœurs pas jumelles, nées sous le signe du piano. Vous voyez à qui je fais allusion? Bien sûr, je vois. Mais comme d'habitude, quand je vois, je ne dis pas forcément. Mais j'en vois. Vous me permettez de le dire moi-même et j'en suis ravi. Ce sont les sœurs Labec qui vous attendent à 16h. À tout à l'heure.